j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Daily Movies. C'est le 13e jour du confinement. Et si vous ne savez pas quoi regarder aujourd'hui, ça tombe bien, car je vous conseille Holy Motors de Léo Scarrax. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar ? Pour la beauté du geste. La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil. Dans l'œil de celui qui regarde. Alors si personne ne regarde plus... Cet épisode va être vraiment très compliqué pour moi, parce que soit je vais m'étaler sur le sujet et l'épisode va durer 45 minutes, soit je vais totalement galérer à en parler, parce que Holy Motors, c'est indéfinissable. Holy Motors, c'est tous les genres du cinéma réunis. On passe d'un truc comique à un truc dramatique qui va vous prendre par les sentiments, à un truc un peu science-fiction, puis à un truc un peu cinéma de fantasy, et à une scène de comédie musicale, enfin bref, il y a absolument tout dans ce film. Et ça pourrait être un problème, puisque on pourrait se dire le réalisateur a pas réussi à choisir entre tous les genres, du coup il a tout mis, du coup ça fait un gros bordel. Alors oui, ça fait un gros bordel entre tous les genres, mais c'est très bien amené. Parce que Holy Motors, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Monsieur Oscar, et qui au début du film va monter dans une limousine, et on va lui dire, vous avez une journée chargée, vous avez beaucoup de rendez-vous aujourd'hui. Et l'arrière de sa limousine, ça va devenir une loge. Il va à chaque fois se changer pour interpréter un nouveau personnage, et les différentes scènes du film vont avoir lieu quand il sort de la limousine. À chaque fois c'est le même procédé, il va dans la limousine pour se changer, il sort et on assiste à une nouvelle scène avec la plupart du temps un nouveau genre. Holy Motors, c'est très spécial. Je sais qu'objectivement c'est tout ce que j'aime dans le cinéma. On a bien sûr des scènes de comédie musicale, il y a aussi énormément de plans séquences et d'idées de mise en scène. Mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas rentré à 100% dans le film. Et ce qui est fort, c'est que le film est quand même dans mon top 10, alors que je suis pas totalement rentré dedans. Parce que dans la technique, et dans le visuel, et dans la réalisation, et dans tout ça, c'est génial. Je disais hier que j'adorais les premiers films, Holy Motors, c'est loin d'être le premier film de Scarrax. Puisqu'on en est en tout à son 5e long métrage, pour une raison que j'ignore, il sort des films environ tous les 10 ans, et je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est un réalisateur qui a du talent, vraiment beaucoup de talent. En faisant mes recherches sur le film pour le podcast, j'ai aussi trouvé qu'un des personnages du film, qui s'appelle Monsieur Merde, oui Monsieur Merde, c'est pas une blague, c'est son nom, et ben en fait il le sort d'un autre film qui s'appelle Tokyo, qu'il avait réalisé avec Michel Gondry et Bong Joon-ho. Alors j'ai pas vu ce film, mais quand on me dit Michel Gondry et Bong Joon-ho et Léo Scarrax ensemble, j'ai très envie de le voir. Holy Motors, ça fait partie de ces films où il faut être bien plongé dans le film pour pleinement l'apprécier. C'est une proposition assez originale qu'on ne voit que très rarement, et quand je dis très rarement, c'est pas que dans le cinéma français, mais même dans le cinéma tout court. Holy Motors, c'est un peu un ovni, et dans tous les cas le film va vous dire, hé, regarde, je t'emmène là-bas. C'est bizarre, mais il faut que tu acceptes de me suivre. Il faut accepter de suivre ce film, même si ça va vous paraître un peu chelou et compliqué au début. Je suis toujours fasciné par les films qui sont visuellement magnifiques. Et Holy Motors, c'est le cas. C'est un film vraiment splendide visuellement. Et la directrice de la photographie, qui s'appelle Caroline Champetier, et qui a d'ailleurs énormément travaillé avec Jean-Luc Godard notamment, n'a pas reçu le César de la meilleure photographie, ce qui est un scandale. Parce que oui, j'en parlais avec Gravière, mais Holy Motors, c'est 9 nominations au César pour 0 remportées. Et encore une fois, ça prouve qu'il faut changer tout ça. Il faut récompenser ces propositions originales et osées, déjà parce que Holy Motors méritait plus d'un César. Mais aussi pour encourager ce genre de proposition qu'on voit quasiment jamais. Holy Motors, c'est vraiment le film qui arrive une fois tous les je sais pas combien d'années. Mais déjà, les Césars, ça marche par les potes, hein, c'est celui qui a le plus de potes qui gagne en général. Et puis, il y a quand même un cahier des charges pour gagner un César, quoi. Holy Motors ne rentrait pas tellement, c'est un peu trop fantaisiste, je pense, pour avoir un quelconque César. Et c'est très dommage. Il y a quand même des choses vachement intéressantes dans Holy Motors. Je pense notamment à la première scène, que pendant beaucoup, mais genre vraiment beaucoup de temps, j'ai pas compris. Et puis j'ai su que la personne qu'on voit dans la première scène, c'est Léo Scarrax. Et ça explique à peu près tout pour moi. C'est en fait très métaphorique, et il y a beaucoup de choses métaphoriques dans le film. Dans la première scène, on voit un homme se réveiller, puis ouvrir avec son doigt une porte qui le fait rentrer dans un cinéma. Et quand on sait que c'est Léo Scarax et qu'il n'avait pas fait de film depuis 1999, on comprend que c'est un peu sa métaphore qui est son retour dans le cinéma. Ça introduit le film en fait. Ça montre qu'il ouvre la porte avec son doigt. Donc ça veut dire, c'est moi qui choisis d'ouvrir cette porte, c'est mon film et je vous laisse l'apprécier. Et c'est formidable. Alors quand je dis que Léo Scarax n'a pas réalisé depuis 1999, je parle de longs métrages individuels. Il avait fait, comme j'avais dit, le film avec Michel Gondry et Bong Joon-ho, mais c'est trois courts-métrages en fait. Ils ont chacun fait un court-métrage qu'ils ont mélangé. Donc je parle pas des films tout courts, je parle de ces longs-métrages solo. On a quand même un excellent casting dans ce film. Il y a par exemple Edith Scob, mais aussi un peu des stars internationales entre guillemets, comme Eva Mendes ou Kylie Minogue, et aussi des acteurs qu'on connaît plus en France, comme Michel Piccoli notamment. Mais le plus impressionnant dans tout ça reste évidemment Denis Lavant, qui joue Monsieur Oscar, et donc tous les rôles que joue Monsieur Oscar, et sa performance est franchement bluffante. C'est vrai que dans cette semaine de cinéma français, j'ai déjà parlé de Grave où la première performance était bluffante, de Felicita où il n'y en avait pas un en dessous de l'autre. Là, pour le coup, on n'est plus sur du Grave. Même si les autres sont excellents, il n'y a pas de souci là-dessus. Denis Lavant bouffe tout le reste du casting. Il crée vraiment l'écran. Et encore une fois, il n'a pas reçu de César pour sa performance, que je ne trouve pas ça normal. Mais on va arrêter de cracher sur les Césars pour se concentrer sur les qualités du film, parce que c'est ce qui compte. C'est un film vachement bien écrit, qui sait amener des situations toutes plus loufoques les unes que les autres, où votre cerveau va mettre un peu de temps à comprendre. Ça, c'est parfaitement mélanger les genres, et vous allez voir que si vous êtes embarqué dès le début, vous allez vraiment être séduit par Holly Motors. Je trouve toutes les scènes musicales extrêmement justes. Pour moi, c'est les meilleures scènes du film. Je pense notamment à la scène de l'accordéon dans l'église, où je vous mettrai la musique en fin de podcast, qui est fait en long plan séquence et où il y a des gens qui viennent se rajouter derrière. Et c'est génial, c'est super bien réalisé. Et on arrive au point où je disais en début de podcast, c'est que je sais pas tellement comment vendre le film, parce que le film, c'est une vraie expérience. C'est un truc que vous devez découvrir par vous-même, vous plonger à 100% dedans. Et c'est vachement compliqué d'en parler, parce que c'est indéfinissable. Alors oui, on peut parler de la lumière, du visuel, de la réalisation, de la mise en scène, du jeu d'acteur qui sont incroyables, mais c'est très compliqué d'en parler. Et je pense que vous comprendrez mon point de vue une fois que vous aurez vu le film. D'ailleurs, en faisant des recherches pour ce podcast, je suis tombé sur l'actu de Léo Scarax, qui va sortir un film, qui devrait sortir un film en 2020, je ne pense pas qu'il sorte en 2020 du coup. D'après ce que j'ai compris, c'est Amazon qui le distribue, donc ce sera sur Amazon Prime. J'espère pas, parce que la promesse a l'air folle et j'ai très envie de voir ça en salle. Mais en gros, c'est un film avec Adam Driver et Marion Cotillard dans les premiers rôles. Il y a également Angèle dans le film. Et il a fait une interview pour dire que 95% des dialogues seraient chantés. Alors comme je vous ai dit, les scènes musicales dans Holly Motors, c'est mes préférées. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment, vraiment envie de voir ça. Je finirai quand même en parlant de la BO d'Holly Motors, qui est juste folle. On a la chanson de Kylie Minogue, qui a été écrite par Léo Scarax, et Neil Hannon, qui est juste sublime. On a évidemment des chansons qui sont reprises, comme la chanson de l'accordéon dans l'église dont je vous parlais. J'aimerais aussi finir en faisant un parallèle avec Grave, puisque le film a dû aller se coproduire en Allemagne, parce que tout simplement il n'y avait pas assez de budget pour financer un film qui sort un peu des codes de ce qui marche en France. Et encore une fois, je trouve pas ça normal, parce que c'est les propositions comme ça, osées et originales, qui devraient être valorisées. Et pas les comédies racistes de merde avec Christian Clavier, je vise personne, bien évidemment, c'est faux. Mais bon, on peut pas changer les modes de consommation des gens, et c'est un mal pour un bien, parce que y a une part de votre ticket quand vous achetez un ticket, par exemple, pour aller voir même un Tenet, même un blockbuster américain, qui revient au CNC, et le CNC ensuite réinvestit son argent dans des films comme Holly Motors, comme dans Grave, etc. Donc c'est un mal pour un bien, mais ce serait cool que ces films marchent quand même plus en salle. Le seul bémol pour ce film, c'est sa disponibilité. Il est disponible que à la location et à l'achat sur Orange VOD et Rakuten TV. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas Orange, Rakuten, je sais pas comment ça fonctionne Rakuten TV, mais si vous n'avez pas de box Orange ou que si vous n'avez pas le DVD, c'est assez compliqué de le voir légalement. Et c'est quand même un problème aussi. Je pense que le film mériterait d'être sur plus de plateformes. Pourquoi pas par exemple le mettre sur Netflix où ça pourrait le faire découvrir à d'autres gens. Mais après, ça, c'est pas à moi d'en décider, c'est quand même au réalisateur, c'est à Netflix de savoir s'ils veulent bien, bref, c'est compliqué. Dans tous les cas, essayez de trouver ce film et de le voir parce qu'il est juste formidable. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à le soutenir en le partageant et en le conseillant à plein de personnes. Donc n'hésitez pas à donner une chance à ce film, et si vous n'êtes pas convaincu, tant pis, on se retrouve demain pour une nouvelle proposition. 3, 2...